Chun Gum-san, habitante de la 7e subdivision de la commune de Pangjin, de l'arrondissement de Cheongam, de la ville de Cheongjin, de la province du Hamgyong du Nord, a salué son 100e anniversaire. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait fêter son anniversaire.